Pourquoi Nestor Makhno, héros de la révolution ukrainienne, fut-il accusé d'antisémitisme ? Gouliaïpolé, une petite ville du sud-est de l'Ukraine, est située aujourd'hui sur l'une des lignes de front entre les troupes russes et ukrainiennes. Bien qu'elle ait été défigurée par des bombardements incessants, les habitants qui n'ont pas fui les combats se réfèrent fréquemment à l'histoire de leur ville pour se convaincre qu'ils chasseront bientôt les envahisseurs. C'est là, en effet, qu'est né Nestor Makhno, le héros ukrainien du mouvement révolutionnaire anarchiste. Issu d'une famille de paysans pauvres, Makhno découvrit l'engagement politique lors de la révolution de 1905 en rejoignant le mouvement anarchiste local. En 1908, il fut arrêté par la police du tsar et interné dans la prison centrale de Moscou. C'est grâce au soulèvement révolutionnaire de 1917 qu'il retrouva la liberté. L'Ukraine était alors en proie à une guerre civile aux multiples facettes. Soutenu par les bolcheviks, Makhno décida de regagner sa région natale pour prendre la tête du mouvement de résistance contre les armées d'occupation allemande et autrichienne, mais aussi contre les troupes restées fidèles au tsar, les Russes blancs. Dès qu'il en eut la possibilité, Makhno entreprit aussi de concrétiser ses idéaux révolutionnaires. Après avoir créé un syndicat d'ouvriers agricoles, il devint président du soviet local. Il fonda plusieurs communes libres sur le modèle de la République des conseils, impulsée au même moment en Allemagne par la Ligue spartakiste. Alors qu'à Moscou ou à Berlin, il s'agissait d'une révolution ouvrière, Makhno l'étendit aux réalités du monde paysan. Ce qu'on appelle dans les livres d'histoire ukrainiens la Makhnovtchina fut un exemple pionnier d'organisation révolutionnaire du monde rural d'inspiration libertaire. Mais comme ces initiatives furent condamnées par les bolcheviks, les anciens amis de Makhno se retournèrent contre lui en le présentant comme le chef d'une bande de pillards et de criminels. Contraint à l'exil, Makhno rejoignit sa femme et sa fille à Paris en avril 1925. Pour achever de le discréditer, les proches de Staline répandirent aussi le bruit qu'il aurait été antisémite. Il faut rappeler qu'entre 1918 et 1921, une multitude de pogroms se produisirent en Ukraine qui causèrent la mort de plus de 100 000 juifs. Makhno fut certes impliqué dans l'engrenage des violences générées par ce contexte de guerre civile. Mais à la différence du dirigeant nationaliste ukrainien Simon Petliura, Makhno n'était pas animé par la haine des Juifs. Dans ses mémoires, il a précisé qu'il s'était constamment efforcé de combattre les préjugés antisémites des paysans ukrainiens, mais que cela s'avéra à peu près aussi difficile que de les empêcher de boire et de piller. L'image négative de Makhno fut largement diffusée au sein du public français après la publication en 1926 d'un livre de Joseph Kessel intitulé « Makhno et sa juive ». Réédité en poche par les éditions Gallimard, la quatrième de couverture véhicule aujourd'hui encore les calomnies bolcheviques à l'égard de ce héros ukrainien en parlant du bandit Makhno, célèbre pour sa cruauté et sa soif de sang.